Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan sont fiers de vous présenter les palmarès C'est fou. Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, voici les palmarès C'est fou! Et bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et on va passer 3 heures ensemble pour écouter la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. C'est un condensé de cette meilleure musique-là. On a un top 15 francophone et un top 15 anglophone à entendre d'ici la fin de l'émission. La semaine passée, nos numéro 1 était Yann Perrault avec Le Président Danse Autrement et Slim Twig avec Young Hussies. Est-ce que ça tient? Excellente question de votre part. Il va falloir attendre la fin de l'émission pour le savoir. On a une très, très grosse émission, une émission chargée cette semaine. On va recevoir quelqu'un pour parler des vélos de quartier plus tard dans l'émission. On va aussi avoir une nouvelle capsule de Vidon dans la question. Cette semaine, lexique des arts visuels, coefficient d'art. Mais avant ça, on va commencer par les nouvelles entrées. Du côté anglophone, on retrouve The Get Down en 15e avec This is the City. Mais tout de suite, voici Mimi Van Der Glo. Et tu sais, c'est assez fou. Et c'est dans vos oreilles au 89.1 FM. The Get Down et leur pièce This Is The City, nouvelle entrée en 15e position, c'est leur maxi Dirty Power. Ça, c'est un groupe de Edmonton en Alberta. Alors ça, c'était la formation locale Mimi Van Der Glo et leur pièce Tu sais, c'est une nouvelle entrée de leur album Radar. Groupe de la Rive-Sud, 4 personnes très sympathiques qui sont maintenant à Trois-Rivières, qui font de la très bonne musique. Allez voir myspace.com/MimiVanDerGlo. On va continuer tout de suite avec nos 14e positions. Du côté anglophone, on trouve une nouvelle pièce de Standing Waltz, Can't Break Me. Mais avant ça, voici l'artiste Iggy Pop. Oui, du côté franco, donc on pourrait l'appeler Iggy Éclate. Voici Les Feuilles Mortes. Ah, c'est fou! Dans vos oreilles, c'est les palmarès! C'est fou! C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée sous le sable, les pas des amants désunis. C'est une chanson semblait. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient tout doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée sur le sable, les pas des amants des yeux. Don't you try to break me down. numéro 13. Snoo avec Stand Up High, c'est nouveau en 13e position anglophone. Oui, Snoo, S-N-E-W, allez voir snoo.com pour en savoir plus sur leur nouvel album qui s'appelle aussi Snoo. Avant ça, on a entendu la position numéro 14 francophone qui est aussi nouvelle, c'est Iggy Pop avec son nouvel album préliminaire et la pièce Les Feuilles Mortes. Iggy Pop qu'on peut retrouver sur iggypoppréliminaire.com. C'est un blog qui est en français et en anglais, ça parle de son nouvel album là-dessus. Il y a plein de choses à aller voir. iggypoppréliminaire.com. Avant ça, on a sauté par-dessus la 13e position francophone qui descendait de la 9e place, Royal Arch avec Buisson Ardent. C'est un simple, c'est sur sa fin, mais je suis certain qu'on va entendre d'autres pièces de Royal Arch dans nos palmarès bientôt, bientôt. Il nous reste plein de choses à faire dans l'émission de ce soir. On va voir entre autres, une nouvelle capsule de vie dont la loi en question. Cette semaine, Mathieu Saint-Onge et Hugues Archambault continuent leur série Le lexique des arts visuels. Et puis cette semaine, on parle du coefficient d'art. C'est dans environ une heure. Ici, au Palmarès, c'est fou. En direct les vendredis soirs à partir de 17h et en rappel les mercredis à 15h. C'est ce que vous écoutez en ce moment. C'est les Palmarès, c'est fou. Et je m'appelle Mathieu Plante. On continue avec les positions numéro 12 du côté anglophone. Ça monte de 3 places. C'était nouveau la semaine dernière. Surefire Machine avec One Way Ticket. Mais avant ça, une pièce qui descend de la 5e place. Voici Comme à la télévision de Omnicron. Vous êtes à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Mon odyssée n'est pas un léchiré dans toutes les galaxies pour déchiffrer le monolithe. À cheval sur le thème de ma voix, pose-moi. Il n'était une fois la vie, globe plus blanc, prépare-toi. Au Congo ou sur la lune, j'ai mes russes pyramides comptées. Où sont des récifs musicaux, aucune sirène ne peut m'arrêter. Vieux psychopathe, suce mes traces dans la neige. Oui, elle s'arrête, quel accrochage. M'évapore dans mes rêves, cauchemars. Les pops veulent m'assassiner, mais je continue. C'était juste un lait dans un chandail rayé. Les zombies vont tous dans le même sens. Quand tu parles des singes, c'est juste que ma tombe ne sert pas à qu'est-ce que tu penses. Bébite en dessous de la taille comme un dreamer. J'attaque le ciel, j'convoque. Juste la télévision, fais caca, attention, je suis un goonies. Désolé, c'est la revanche des nerds. Rencontrons ta télé comme Wayne's World. UHF style. On sera des Ferraris comme Scott, c'est grave, on a eu congé. J'pars en vacances avec Bernie. Les liens politiques se sont sur les mêmes visages à moitié peint. On fait pas ça pour rien. Pour la famille dont j'suis paré. Murphy toujours en ville, CP peut rien empêcher. Couteau d'indomie, mitraillette, j'peux pour prêt à dégainer. Numéro 12. Hotels cover models. Looking back, you remind me I'm falling for one step behind. Let's go, it goes a table turns. You roll your eyes, the whiskey burns. Too many times I paid the price. I loved her once but killed her twice. Well, I run it clean, I run it fast. I'm always first or right. made without me. I found my love, she wouldn't bring it back. Girl, what is better for a second place? Well, I run it clean, I run it fast. Well, I'm always first or last, I'm always last. So baby, bend please, you get me on the knees. Get you on your back, lay you like a railroad track. Got a shotgun full of thrust, I got a ticket to ride that train. Bottle full of lust and pills to kill my pain. Well, baby, is this party over? Cause I wanna go home, yeah. Surefire Machine et One Way Ticket, position numéro 12 anglophone, ça monte de 3 places, c'était nouveau la semaine dernière, ça monte tranquillement, pas vite ça. Avant ça, du côté franco, c'était Omicron avec Comme à la télévision qui descend de la 5e place. Omicron qui était du show de la Saint-Jean sur les plaines à Québec, ils en parlent sur leur MySpace au myspace.com/Omicron. Prochain événement pour eux, c'est à Jonquière en musique au parc de la Rivière-des-Sables le 8 juillet, puis ils vont être le 10 juillet au Festival d'été de Québec à l'Impérial. Et en plus, c'est à Montréal avec Mister Valère à l'Olympia. Waouh, Festival Oceaga. Grosse affaire. Ça va très bien pour Omicron. Et c'est dans les palmarès, c'est fou. Aussi en position numéro 12. On passe à nos 11e places. Du côté anglo, ça monte de 3. Mason the Bomb avec Knockin' Farts, qui était une nouvelle entrée la semaine dernière. Mais avant ça, on va l'entendre. Martin Léon, lui, monte de 4 places. Et puis, ben voici, c'est ça qui est ça. C'est de même qu'il faut finir une phrase en disant c'est ça qui est ça. C'est de même. Vous êtes au palmarès, c'est fou au 89 FM. Moi, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Moi, je te dirais bien ça. Il y a un temps où, comme tu sais, ben, faut que les choses se disent. Ça fait que, écoute bien là, même si t'ailles ça, ben, c'est ça qui est ça. Hein, tu? M'en est d'envie, là, un gars fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis je voudrais juste pas que tu penses des affaires qui ont rien à voir. Prends ça comme tu voudras, là, même si t'haïs ça. Ben c'est ça qui est ça. M'en-tu? Fais pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, là, OK? Moi le gars, ok, j'aurais peut-être pas te dire ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je suis comme ça, qui même si j'haïs ça, ben c'est ça qui est ça, hein-tu? En même temps, moi dire comme on dit des fois, je voudrais pas dire des affaires que tu sais déjà, tu sais. Mais laisse-moi dire une chose, par exemple. C'est que même si t'haïs ça, ben c'est ça qui est ça. Vends-tu? Oh, excuse-moi, là, faut que je te laisse, j'ai une autre ligne. On retourne la musique de My Son de Bam et Jean Leloup dans les palmarès, c'est fou. Les palmarès et fous sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Numéro 11. Sound the Bomb et Knockin' Fats en position numéro 11 anglophone sur une belle fin de gazou. Tellement chic. C'est leur album Are We There Yet? Ça monte de 3 places. J'adore ça, My Sound the Bomb. Alors ça, c'était Martin Léon avec C'est ça qui est ça de son album Moon Grill. Ça monte de la 15e place. C'était nouveau. Laisse-moi passer. Vous êtes dans les palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou a vous offrir. Je regardais ça, Martin Léon va être au Club Soda au Francophonie de Montréal, mais c'est juste au mois d'août. Mais quand même, je vous le dis déjà, là, si vous voulez vous renseigner, allez voir myspace.com/barbecue Martin Léon SVP. Mignon ça. On va l'entendre aux positions numéro 10 tout de suite du côté anglophone. C'est New York Dolls qui était de nouveau la semaine passée avec Cause I Says So. Ça monte de 3 places. Avant ça, voici Jean Leloup et Laisse-moi à C'est Fou 89 FM. Camera, some of up for smoking a joint. Les New York Dolls et Cause I Says So, position numéro 10 anglophone, ça monte de 3 places. Avant entendu notre ami Jean Leloup avec En pleine face, ça monte de 2. Cinquième semaine de présence, ça vient de son album qui s'appelle Mille excuses, Milady, c'est tout nouveau ça. Avant de passer aux positions numéro 9, je dois vous dire ce qui s'en vient plus tard dans l'émission. On va avoir entre autres une toute nouvelle capsule de nos amis de Vidon à droit en question, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault, leur chronique d'humour extrême. Ils continuent leur série Le lexique des arts visuels et ce soir, ben, c'est Coefficient d'art qu'on va entendre, c'est dans environ une demi-heure. On devrait aussi parler des vélos de quartier d'ici la fin de l'émission, donc soyez avec nous pour ça et on va se passer plein de bonne musique aussi dans nos oreilles respectives. Du côté anglophone, la position numéro 9 est occupée par les Winter Gloves avec leur pièce I Can't Tell You C'est Stable. Mais avant ça, voici Archigéant et une chanson qui monte de 2 places. C'est En pleine face, ça se passe tout de suite dans vos palmarès C'est fou, condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Allez voir le cestfou.ca pour nous écouter en direct sur Internet. La formation Archigéant avec En pleine face en 9e position francophone. On va entendre Winter Gloves du côté anglophone dans quelques secondes à peine. Mais avant ça, j'ai une petite annonce à faire. On vient de m'envoyer la dépêche. C'est arrivé il y a quelques minutes vers les 17h30. Le Festival de Trois-Rivières vient d'annoncer que quelques spectacles ont été annoncés ce soir. Donc, je vais vous dire dans l'ordre, vu les conditions climatiques, l'organisation a annulé les spectacles du Cocktail des partenaires à 18h30. Destino sur la scène des Jardins à 19h. Samuel Tellen sur la scène de la Relève à 20h. Tout ça, c'est annulé. Par contre, les spectacles de la scène Molson vont avoir lieu sous les projecteurs à 20h30 et puis à 21h, Mes aïeux. Allez voir le site du Festivois, c'est au www.festivois.com pour en savoir plus. Et ça, ben, c'est ce qui se passe vendredi soir, nous, en direct. On est le 26. Hein? La rediffusion du jeudi, ça a juste plus rapport. Donc, écoutez-moi. On s'en entend tout de suite Winter Gloves avec leur position numéro 9 qui est stable. I Can't Tell You dans les palmarès. C'est fou au 89.fm. Dans un trou à se décomposer. Bang dans la tête. numéro 8. Novak, c'est Why Wonder en position numéro 10 anglophone, ça monte de 2 places. Avant ça, c'était Le Nombre avec des zombies et des fleurs qui montent de 4 places. C'est la fin de la première heure des palmarès, mais on se retrouve dans quelques minutes. Et dans cette deuxième heure, il va y avoir plein de choses. Une nouvelle capsule de vidéo dans la question. On va aussi parler à Sophie Tremblay pour le projet Les vélos de quartier. C'est dans la deuxième heure des palmarès. C'est fou, restez avec nous. Palmarès C'est fou sont une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Bonjour, vous êtes toujours au Palmarès C'est fou pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2009. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, il va y avoir une nouvelle capsule de Vidon la don la question. Et cette semaine, on continue la série sur le lexique des arts visuels. Cette semaine, c'est le coefficient d'art. On va aussi parler à Sophie Tremblay, qui est agente de communication et de marketing à la démarche des premiers quartiers du secteur. Cal de Madeleine, comme trois cartes d'affaires. Pour parler des vélos de quartier, c'est dans quelques minutes. Mais avant ça, voici les positions numéro 7 du côté anglophone. C'est Sub avec Black Gold. Mais avant, c'est numéro et tout est parfait. Ça va bien? Tout va très bien. Tout va bien. Soyez rassurés, c'est les palmarès C'est fou, 89.1 FM. tache dans le vide, un dessin sur la peau, 100% à la vie, mais non moi jamais mort. Dans mes mains le futur et des algues cyborgs, tout est parfait. Jamais tombé, plus le temps d'avoir mal. Si la vie m'a menti, je m'approcherai du diable. Dans mes mains futures et des âmes si modifier mon apparence. Eugénie, soyons les plus forts, nous déclinons l'avenir comme un ordinateur. Eugénie jetée dans le corps, une patrouille en civil, une matinée de guerre. Eugénie, je baisserai les bras au nom de la victime et des machines modernes. Tout est parfait. Black Gold de la formation Sub en 7e position anglophone. Ça monte d'une place tranquillement, pas vite. Ça se ferait un chemin vers je sais pas, le sommet. Juste avant, du côté francophone, on a entendu numéro avec Tout est parfait, pièce qui finit toujours pareil puis qui m'énerve comme fin. 3 positions de plus pour elle pour venir se retrouver en 7e position. Leur album est Sport de combat. On va l'entendre les 6e positions. Et tout à l'heure, je vous rappelle que Vidéo à l'heure question s'en vient. La capsule du mot extrême avec Mathieu Saint-Onge, j'ai eu Carchambault. Et cette semaine, encore une fois, c'est Lexique des arts visuels. C'est la suite de cette série-là. Et on va découvrir qu'est-ce que c'est le coefficient d'art. On se demande, dans la poursuite de leur analyse du lexique et des arts visuels, c'est quoi ça, le coefficient d'art? C'est tout, c'est juste ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, moi. Je l'ai pas écouté, la capsule, encore. T'sais. Elle est exclusive au Palmarès, c'est fou. C'est tout nouveau, c'est tout frais. Et c'est dans quelques minutes à peine. On va l'entendre pour l'instant en position numéro 6 du côté anglophone, Metric avec Satellite Mind qui monte d'une place. Et là, là ce qui commence, oulala, voici Chinatown et perdre son temps. Dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir au 89.1. Lost where I fit. La formation Metric et leur pièce Satellite Mine en position numéro 6 anglophone, ça monte d'une place. Et avant ça, c'était Chinatown qui descend de 3 places avec Perdre son temps. Ça vient de leur album, mais très récent, Cité d'or. Avant de passer aux 5e position et avant de parler à Sophie Tremblay pour les vélos de quartier, je pense que ces gars-là font aussi du vélo sûrement. Putain, là, dans la question. Vous êtes ici. Ouais, j'ai une question. C'est parce qu'à chaque fois que je fais un dessin, j'ai une idée dans ma tête, mais quand mon dessin est fini, ça n'a plus rien à voir. Ah, ça c'est le coefficient d'or. C'est un principe articulé par Marcel Duchamp. Hein? C'est la distance entre l'idée à la base d'une œuvre et le résultat final. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Ben mon cher, pour vous aider, je vous propose qu'on vide la question ensemble. Vidons-la dans la question! Toute l'équipe de production qui va travailler sur mon film est ici? Oui? Alors, grande nouvelle, j'ai enfin trouvé un titre pour mon... Ben, en fait, notre super documentaire poétique sur les Premières Nations. Ça va s'appeler « Les beaux Esquimaux ». Excusez, écoutez, là, j'ai déjà composé quelques strophes pour la narration. Dans les villages des beaux Esquimaux, on ne connaît pas le métro boulot dodo. Bien qu'il ne... Mais Jérôme, je viens d'aller m'informer, là, tu peux pas dire Esquimaux, c'est péjoratif, Esquimaux. Ça veut dire mangeur de viande crue, il faut dire Inuit. Oh, mais attends, là, c'est parce que tout marchait avec les rimes en haut. Inuit, là, faudrait que je fasse des rimes en huit. Je peux quand même pas dire les Inuits de la nuit. Mais là, je sais pas, les Inuits ont pris la fuite. Les Inuits ont pris une cuite. Les Inuits, c'est pas des tweets. Y'a moyen de s'arranger, Jérôme. Ouvre le téléphone sonne, c'est Bernard. Mets-le sur le speaker. Allô, Bernard? Hey, tout le monde, c'est vraiment plate, mais les négociations viennent d'échouer avec le maire de Koudjak. On n'a pas l'autorisation pour aller filmer dans le village. Sapristi, ça vient de tomber à l'eau. Ah ben non, là, pourquoi qu'on fait pas un reportage poétique sur les orignaux à la place, hein? C'est moins compliqué, les orignaux, pis ça nous permet de faire des rimes en haut. Il était belle, tes rimes en haut, Jérôme. Hey, tout le monde, j'ai une mauvaise nouvelle, finalement. On n'aura pas le budget pour les caméras qu'on voulait. Il y a bien quelqu'un qui doit avoir quelque chose pour filmer. J'ai une vieille caméra Super 8 dans mon garage à Saint-Léonard. Oh, excusez mon sel. Allô, grand-maman? Hector, le garage a été inondé et ta vieille caméra est scrappée. Et on pourrait peut-être faire un documentaire photo au lieu d'un film, ces orignaux. Tout le monde a ça, un appareil photo. Ben oui, j'ai ça, moi, l'appareil photo. Quelle bonne idée. J'appelle à l'instant pour tous nous acheter des billets d'avion pour le Grand Nord. Bon, c'est bizarre, hein? Y'a pas vraiment d'orignaux par ici. On va falloir laisser faire, je pense. Là, là, vous m'avez traîné jusqu'ici. J'ai de la neige dans mes bottes. Je reste ici tant que j'ai pas vu un orignal. On pourrait peut-être prendre des photos de sapins à la place. Il en manque pas, me semble, des sapins. Et regardez ce sapin-là comme il est spécial. Ah, moi, je vais prendre une photo de ce petit sapin-là. Il est tellement cute. Là, attends, là. Tu sais qu'on s'en va, là. Mais c'est le coefficient d'art, Jérôme. L'essence de ton idée de base s'éloigne de plus en plus du résultat qui s'en vient. Mais là, là, c'est parce qu'au début, on voulait faire un documentaire poétique sur les Esquimaux. Les beaux Esquimaux. Et là, c'est rendu un reportage photo sur les sapins. Hey, peut-être que notre reportage pourrait s'appeler « Mon beau sapin ». J'aime ça, moi, « Mon beau sapin ». Dis, on pourrait quasiment exposer nos photos dans le temps de Noël. Mais oui, j'aurais une blog dans une salle communautaire à Berthierville. Oh, mais non! Et tant qu'à faire Noël, on pourrait peut-être laminer nos photos, percer des trous dedans, puis mettre des néons dans les trous pour faire comme si les sapins étaient décorés. Oh, que ça va être cute! On pourrait peut-être même en vendre une coupe. Puis faire de l'argent. Je voulais pas faire d'argent, moi! Je voulais faire de l'art! Le gouvernement du Canada vous rappelle qu'il contribue chaque jour à maintenir un coefficient d'art élevé dans la population artistique en coupant dans les subventions. Il vous conseille donc fortement de laisser tomber vos projets artistiques. De toute façon, ils ne ressembleront jamais à votre idée de base. Oui, faites-le donc tout seul, votre reportage photo sur les sapins. Moi, je vais aller me rapprocher de mon idée de base en sculptant une de mes beaux Esquimaux dans la neige. On dit Inuit, Jérôme! Puis de toute façon, tu seras pas capable, la neige est même pas collante! C'était une toute nouvelle capsule de Vidon à la question avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault, cette chronique d'humour extrême qu'on retrouve en exclusivité maintenant au Palmarès C'est fou les vendredis soirs entre 17h et 20h. En rappel, les jeudis entre 15h et 18h. Allez voir le vidonladon-sans-le-c.com pour en savoir plus sur ces joyeux gaillards extrêmes. Hein? Vidonladon.com. Leur série est terminée à Radio-Canada, mais nous, on continue pendant plusieurs semaines encore avec des nouvelles capsules ici dans les Palmarès C'est fou. Parle de choses qui sont intéressantes, je dirais, parce que, évidemment, avoir la question, pour moi, c'est extrêmement intéressant. Mais je suis un amateur de vélo quand même un petit peu. Hein? Tu sais, on s'entend là-dessus. Et je reçois à l'instant même Sophie Tremblay, qui est agente de communication et de marketing à la démarche des premiers quartiers du secteur Cap-de-la-Madeleine. Mon compte de mots là, que j'ai réussi à placer sans faire d'erreur était pas pire. Bonjour Sophie. Bonjour Mathieu. Ça va? Ça va très bien. Et là, tu viens de nous parler de ce projet-là qui est les vélos de quartier. Ça existe depuis combien de temps? Oui, en fait, ça existe depuis 5 ans. Donc, le projet a commencé en 2004. C'est quand même pas pire. Oui, c'est ça. Ça fait quand même un petit bout. Ça vieillit. C'est quoi l'objectif de ce projet-là? D'où est venue l'idée des vélos de quartier? En fait, ça a commencé la démarche des premiers quartiers, qui est un organisme sans but lucratif. Ils ont créé les vélos de quartier pour répondre à la mauvaise situation des habitants des premiers quartiers qui ont souvent de la difficulté à se déplacer. Donc, en prêtant des vélos comme ça, ça augmente leur mobilité, ça aide parfois pour aller travailler, pour des petites commissions, des choses comme ça. Donc, c'est ça, dans le fond, notre objectif, c'est de venir en aide à ces gens-là, aux touristes, souvent aux étudiants aussi qui nous en empruntent. Et là, les vélos sont disponibles seulement l'été? Oui, exactement. Seulement de l'été, environ de fin mai, là, ça termine en première semaine d'octobre, ça termine là. OK. Ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est juste pour les adultes? Est-ce que c'est seulement les gens des premiers quartiers qui peuvent profiter de ce service-là? Non, c'est ça. Il y a souvent des étudiants, des touristes. Les enfants, par contre, en moins de 18 ans, il faut qu'ils soient sur le dossier d'un de leurs parents, par exemple. Puis, c'est ça, ça s'adresse pas mal à tout le monde. Aussi, des gens qui sont trop occupés pour faire du sport, des fois, ils viennent nous en emprunter parce qu'ils ont envie de faire une randonnée, mais ils n'ont pas nécessairement le temps d'en faire souvent dans la vie. Donc, c'est pour ça que ça pourrait être utile pour une fin de semaine, disons. Et comment on fait pour emprunter un de ces vélos-là de quartier? En fait, c'est très simple. On n'a qu'à se présenter à un des 7 points de service répartis un peu à travers Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine. On montre une pièce d'identité. Là, à ce moment-là, le préposé va vous faire un dossier. Dans le fond, ça prend juste une pièce d'identité. Et les gens vous prêtent un vélo gratuitement. Vous pouvez le garder pour une journée, une semaine ou plus. Sauf que si vous voulez le garder plus longtemps qu'une semaine, il faut venir signer, renouveler le contrat à chaque semaine. Vérifier aussi l'entretien du vélo, voir si tout va bien. Mm-hmm. J'ai lu qu'il y avait justement un point de service ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, trouvez-le. Hein? j'ai la liste des autres points. Il y a le Bucafin, le concept. Hein? La maison de quartier Saint-Philippe, l'UQTR, comme je le disais. La démarche des premiers quartiers du Cap-de-la-Madeleine. L'auberge internationale des premiers quartiers et le collège La Flèche. Exactement. Hein? J'ai bien fait de trouver ça. Hein? Sinon, combien de vélos il y a en tout de disponibles sur le territoire? Oui, c'est ça. Bien sûr, ça dépend des points de service. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, dépendant de la demande. Mais en tout, on en a environ 150. C'est sûr, ça augmente et ça diminue dépendant leur état, là, mais on en a environ 150 sur le territoire de Trois-Rivières. Et on peut les reconnaître parce qu'ils sont verts. Oui, ils sont verts et ils sont identifiés aux vélos de quartier. Vous les prenez où, ces vélos-là? Est-ce que c'est vous qui les fabriquez avec des matériaux et des outils ou est-ce que c'est des dons? Non, on les fabrique pas. C'est les citoyens, en fait, qui viennent nous porter les vélos, par exemple, des vieux vélos désuets qui ne servent plus, qui sont dans leur garage. Parfois, c'est des vélos complets, des fois seulement des pièces. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les remonte pour en faire des vélos fonctionnels. Donc, c'est ça. Parfois, on les reconditionne, on prend des pièces neuves ou usagées, puis on refait des nouveaux vélos, on les peinture en vert et ils sont de retour sur le circuit. Ah, c'est tellement un beau projet qui est utile et agréable en plus. Pour ceux qui veulent le plus d'informations sur les vélos de quartier, si on veut offrir des vélos, sinon, qui est-ce qu'on contacte? On fait ça comment? Pour les dons de l'information, juste à contacter la démarche des premiers quartiers au Cap-de-la-Madeleine. Le numéro, c'est le 376-5666 et vous pouvez demander moi-même Sophie Tremblay ou Annick Rainville, c'est nous qui s'occupent des vélos. 376-5666. Exactement. Merci beaucoup, Sophie Tremblay, qui est agente de communication et de marketing à la démarche des premiers quartiers du secteur Cap-de-la-Madeleine. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Nous, on continue nos palmarès avec les positions numéro 5 du côté anglophone. C'est stable avec Pete Moss et Booze, Babes and Barbecue. Mais avant ça, voici Lac, Estion et la pièce Et moi. C'est dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Porte qui mène vers toi. Mes vieux souvenirs se sont recyclés en émoi. Il est trop tard quand je te crois, son regard prend froid. Retour, Pete Moss, German Reggie, Yann Perrault dans les palmarès, c'est fou! Les palmarès, c'est fou sont présentés par Trois-Rivières-Nissan et Énergie-Nissan de Shawinigan. Numéro 5. Be like Pete Moss et Booze, Babes and Barbecue en position numéro 5. C'est stable cette semaine dans les palmarès, c'est fou. Et avant ça, du côté franco, ça descendait de 3 places. Et moi, de Lac Estion. Si vous n'étiez pas là tantôt, si vous avez raté un bout de l'émission, hein, premièrement, vous devriez avoir honte. Je dois vous rappeler qu'au Festivois, on a annoncé que le spectacle de Mes Aïeux va avoir lieu ce soir malgré la météo. Par contre, le cocktail des partenaires de 18h30 là, qui devait commencer le vendredi soir, le 26 juin, c'est annulé. Destino sur la scène des Jardins de 19h, c'est aussi annulé. Samuel Tellen sur la scène de La Relève à 20h, c'est annulé. Par contre, comme je disais, les spectacles de la scène Monson vont avoir lieu sous les projecteurs du Festivois à 20h30. Et Mes Aïeux à 21h. Ça se passe toujours, donc allez-y. Festivois, qui est au festivois.com. Plus d'informations là-dessus. Et s'il y a d'autres choses qui se passent, si à un moment donné, ils décident de refaire un de ces spectacles-là pareil, ben, peut-être qu'on vous en reparlera ici dans les palmarès d'ici la fin de l'émission. On va continuer avec nos prochaines positions, c'est-à-dire les quatrièmes. Du côté anglophone, c'est Stable Gentleman Reg avec How We Exit. Mais avant ça, l'ancien numéro 1 descend en quatrième place. Voici Yann Perrault du côté francophone avec Le Président danse autrement. Assez fou, 89.1 FM. We'll be right back. vision. When you don't trust what's right and you got 20/20 vision. Ashes soaks piss, someone flashes tits. Time to hit the trail, make a break, that's how we exit instead. German Reg et How We Exit Stable en position numéro 4 anglophone. Et ça, ben, c'est stable et ça fait 4 semaines que c'est là, donc ça fait 4-4-4. 4-4-4-4-4-9. Avançant en 4e position franco, l'ancien numéro 1, Yann Perrault avec le président Danse Autrement qui descend donc de 3 places. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, on a lancé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir et c'est Mathieu Plante qui est au micro, Kiwan vient d'arriver. Hey, bonjour Mathieu, bonjour les palmiers. Buongiorno. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. On va passer encore quoi? Presque la moitié de l'émission ensemble jusqu'à 20h. Et à 20h, ben, tu vas animer la dernière porte à gauche, comme toujours. Oui, tout à fait. Tout à fait. On va passer tout de suite à nos positions numéro 4, 3. Mais tantôt, je dois vous dire qu'on va parler de spectacle un petit peu. On va parler, entre autres, du Festivois. Ben oui, parce que ça donne que c'est présentement, c'est commencé. Puis ça donne aussi qu'il y a quelques spectacles pendant cet événement-là. Fait qu'on pourra en parler un petit peu. Ça donne qu'il y en a, oui. Ouais. Ça donne. Mais pour l'instant, on va entendre les positions numéro 3. Comme je le disais, du côté anglophone, l'ancien numéro 1 est aussi descendu. C'est triste. Slim Twig avec Young Hussies. Donc on aura deux nouveaux numéro 1 encore une fois cette semaine. Mais pour l'instant, on va écouter la troisième position. Francophone, c'est Marie-Pierre Arthur avec la pièce Droit devant dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM, www.cifou.ca. cela toutes les parts. Et les silences, les mots dansent. Et mes pensées se balancent. Et mes pensées se balancent. Sans les peurs et les silences. Sans les peurs et les silences. Numéro 3. Information Slim Twig et Young Hussies, l'ancien numéro 1 du palmarès anglophone qui est maintenant en 3e place, mais leur série Contempt. Oui, juste avant ça, on avait entendu Marie-Pierre Arthur avec la troisième position francophone à la pièce Droit devant. Et Marie-Pierre Arthur va être de la programmation du Festivois. C'est le 2 juillet, c'est la semaine prochaine, donc mercredi, jeudi prochain. C'est ça, ouais, jeudi prochain. C'est quelle date, t'as dit? C'est le 2 juillet. C'est au Zénob. Donc, pour les spectacles du Zénob, si vous avez votre passeport ou votre bracelet journalier, c'est gratuit. Sinon, ça coûte 5$ pour aller voir les spectacles au Zénob, au Nord-Ouest Café ou à l'Embuscade. Si vous n'avez pas de passeport, c'est 5$. Donc, Marie-Pierre Arthur au Zénob, jeudi prochain, 5 douilles. 5 douilles, c'est pas cher du tout. C'est vraiment pas cher. Mais ce qui est moins cher que 5 douilles, c'est gratuit. Et parlant de gratuit, il y a un spectacle demain, samedi, le 27 juin. C'est Caïman Fou qui va être au Zénob. Vous connaissez Isabelle Blais, vous connaissez son groupe. C'est des vétérans des Palmarès. Ils ont joué, je pense, chacune de leurs pièces, toutes leurs CD. Ils sont passés par le Palmarès. À peu près. Bref, c'est des 23h et ça va finir tard. Ça, c'est au Zénob demain, samedi, le 27 juin. Voilà. Vous voilà au courant. Allez-y au Zénob. Caïman Fou. On va parler du Festivois un petit peu plus en détail tantôt. Oui, un petit peu plus tard. Oui, mais pour l'instant, on va entendre les numéros 2 du côté anglophone. Ça monte de 4 places. On va entendre The Doves avec Jetstream. Et du côté francophone, c'est les Violents Cachalots qui montent de 2 positions avec leur pièce sur le cover du journal Voir. Et ça se passe maintenant dans les Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Au 89.1 FM. Oui! On n'est pas des grosses stars, c'est qu'on roule pas sur l'or. Y'a pas un Christ de choc qui nous reconnaît dans la rue. On chante des tunes mal propres, on est des crottes sales. Nos tunes se rendent même pas jusqu'à Laval. On remplit aucune salle, pis notre disque se vend mal. Nous autres, on souffle les veines de désespoir. Parce qu'on n'est pas plugué, qu'on voudrait bien pogner, pis avoir notre face sur le cover du journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 3-4 copies pour ma maman. Journal Voir. Les dents blanches et souriantes. Sur le cover du journal Voir. Populaire, snapper des tonnes de femmes, signer notre contrat payant chez Audiogramme. Avoir la bière payée, même dans le boss de tournée, y'a des roadies pour chauffer pis des factés. Des gros chèques la socan, numéro 1 saison, pis faire la première partie des Rolling Stones. Lâcher bord de motard, pis jouer à place des ors, pas se mettre face sur le cover du journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 4-5 copies pour ma maman. Journal Voir. En noir et blanc, très élégant. Sur le cover du journal Voir. Très nouvelle folle et jeune groupie avec les ceintures. N'importe quoi pour être dans notre loge. On jouerait live des shows de TV. On serait VIP. L'industrie sage nous pour nous manger le kiwi. On se paierait toutes les chums que notre cash peut acheter. Parce que personne pour endurer nos têtes enflées. N'aura pas une crise de scène. On sera pas populaire tant qu'on n'aura pas notre face au journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 4-5 copies pour ma maman. Journal Voir. À gauche en rentrant dans le restaurant. Sur le cover du journal Voir. Sur le cover du journal Voir. Les articles sont en dedans. Journal Voir. 4-5 copies pour nos mamans. Journal Voir. 4-6. C'est bien évident. Sur le cover du journal Voir. Numéro 2. So La deuxième position anglophone de nos palmarès cette semaine, c'est The Doves avec Jetstream. Et juste avant ça, on a entendu la deuxième franco, c'était les Violents Cachalots avec la pièce sur le cover du journal Voir, et c'est ce qui termine la deuxième heure des palmarès. Oui, et si vous avez déduit correctement, il nous reste seulement les positions numéro 1 à entendre en début de troisième heure, et après ça, on va se garnir la face de musique. Oui, il va rester beaucoup de temps aujourd'hui pour des activités parascolaires. On va entendre quelques nouveautés de cette semaine et quelques artistes du Festivoir. Restez avec nous. Ouais. Vous écoutez Les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Vous êtes toujours au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2009. Il s'appelle Kiwan Rajkovczynski. Et lui, c'est Monsieur Mathieu Plante. Oui, vous êtes les palmiers. Tout à fait. Ne l'oubliez pas, là. Never forget, never forget. La toune de Philippe Lalonde. Personne qui se rappelle de ça. Ça ne dit vraiment rien. Non. Never forget. Bref, vous êtes au début de la troisième heure et il nous reste seulement les numéros 1 à entendre. On va aller entendre ça dans quelques secondes, mais avant ça, je dois vous dire que plus tard, on va écouter les artistes du Festivois. Oui, oui, on se fait un petit bloc tantôt Festivois, en même temps parler de la programmation de cette semaine, parce qu'il y a quand même des trucs intéressants qui s'en viennent. On va en parler un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, donc, numéro 1, je dirais qu'on nage dans le bonheur. Surtout nous, en direct, le vendredi soir, on vient de se noyer presque dans notre super tempête de pluie. Hein, il y a peut-être des poissons, on sait pas. Des rois poissons. Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Sinon, ben, je dirais que... Non, je sais pas, je dirais pas grand-chose. Les cloches à vache se font aller au centre-ville. C'est ça, c'est les cloches à vache. Oh! Au départ, c'était pas censé m'en demander tant. Mais depuis, je suis devenu un peu dépendant. À quelque part, je ne pourrais pas en faire autrement. Être croque-mort, c'est vraiment ce qui est le plus passionnant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, huissier, boucher. J'ai aussi voulu être chauffeur, vendeur, respirateur. Mais ce que je préfère, c'est enterrer les morts. Pas juste des petits vieux que j'entends, ça me rend malheureux. Ils ne devraient pas savoir des cercles pour enfants. Quand j'en vois, je trouve cela bien déprimant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, boucher, huissier. J'ai aussi voulu être chauffeur. C'est enterrer les morts et manier tout en noir. J'ai pratiqué les métiers de croque-mort. Ça me rend croque-mort. Me porte une mort et pas les chercher. La mort du sujet est chose fondée. Car à ceux qui espéraient trouver de quoi de mieux, il se peut que la douleur les ramène des cieux. Les numéros 1 sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. I got a piece of the action you need it now. le grand numéro anglophone de notre palmarès de cette semaine, Wild Cowbell Oklahoma, avec Piece of the Action qui monte d'une place. Oui, puis du côté francophone, ça a monté très vite. C'est en 8e la semaine dernière. Ça fait seulement 4 semaines qu'elle est sur le palmarès. C'est le Roi Poisson avec la pièce Croque-Mort. Les positions 2 et 3 en anglophone sont The Doves en 2e avec Jess Stream et en 3e Slim Twig avec Young Hussies. Et du côté francophone, on avait Les Violents Cachalots en 2e avec Sous Cover du Journal Voir et Marie-Pierre Arthur en 3e avec Droit Devant. Voilà, on vient de compléter les palmarès pour la semaine du 26 juin au 2 juillet, mais il nous reste encore une bonne cinquantaine de minutes pour entendre plein d'autres musiques dans notre section parascolaire des palmarès. Je pense que c'est presque notre record de rapidité des palmarès, hein, finir les positions à 50 minutes de la fin. Là. Ouais, c'est ça. Bref, peut-être qu'un jour, on va se battre encore et finir la deuxième heure avec nos numéros 1, puis après ça, on va avoir une heure de lousse. On peut juste espérer. Ça. Peut-être. C'est ça. Bref, on va commencer ça avec un bloc tout à fait spécial, un bloc qui va goûter bon, je pense. Ben oui, c'est ça. On a pigé parmi la programmation du festival et les spectacles qui nous intéressaient le plus. Marimé, Ima et... Voilà, en spécifiant que c'est vraiment les meilleurs. Ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est ça. C'est pas nécessairement les meilleurs, c'est seulement selon nos goûts comme ça, ce qu'on a pris sur le tri, les trois meilleurs spectacles, je pense, selon nos goûts personnels. Tout à fait, selon nos goûts de radio alternative et underground. On aime les artistes qui sont, comment dire, pas dans le mainstream. Voilà. Ils sont pas sur la rue principale. On va entendre du Mister Valère et du Malajube dans ce bloc-là, mais on va commencer avec Beast. On va entendre leur pièce City, c'est ce qui commence dans notre petit bloc festivois. Et Beast vont être en spectacle, c'est lundi le 29 juin, et c'est du côté du Nord-Ouest Café, donc ça coûte toujours 5$ au Nord-Ouest si vous n'avez pas de passeport, sinon c'est gratuit. Pas cher, pas cher! C'est à 11h par exemple, c'est un peu tard pour les couche-tôt comme moi. Là. Ouais. Ça vaut la peine par exemple, c'est Beast. On les écoute tout de suite. Ce sont des bêtes sur scène qui disent Grrr. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Bouh. Thank you. Bonjour, ici Kiwan. Et Mathieu. Les Palmarès, c'est fou et vous écoutez... Les Palmarès, c'est fou. Avec Mathieu et Kiwan. Mister Valère avec SP for Lovers dans les Palmarès. C'est fou, c'est dans notre bloc spécial sur le Festivois. Oui, Mister Valère va être en spectacle mardi le 30 juin prochain. Ça va être du côté de l'embuscade pour Mister Valère à 23h. Puis il va y avoir des choix déchirants à faire mardi prochain le 30 juin parce que en même temps, c'est-à-dire à 23h, mardi le 30, il y a Mister Valère à l'embuscade, Antoine Corriveau au Zenob et The New Cities au Nord-Ouest Café. Donc, tu vas avoir un choix à faire. C'est trois styles complètement différents. Donc, quand même, ça empiète pas trop sur les mêmes goûts là, de chaque personne. Mais bon, faut choisir un style ce soir-là, évidemment. Avant Mister Valère, on a entendu Malajube avec leur album Labyrinthe et la pièce s'appelait Portée disparue. Oui. C'était très bon, ça. Oui, Malajube va être sur la scène principale du Festivois. C'est vendredi prochain, le 3 juillet, avec entre autres Pépé et son orchestre et les Vulgaires Machins. Et au début du bloc, on a entendu Beast avec City. Oui, Beast. C'est dur, hein? Beast, voilà. Beast, voilà, qui eux aussi sont au Festivois quelque part. Lundi au Nord-Ouest Café. Allez voir le festivois.com pour toutes les informations sur tous les groupes qui jouent. On va en entendre trois autres dans le prochain bloc. On va avoir The Devil's Hot Rod plus tard et Madcaps. Mais on va commencer avec un groupe qu'on connaît bien, assez fou et que vous connaissez peut-être maintenant parce qu'il commence à jouer ailleurs. Il s'appelle The New Cities. Ouais, ils jouent pas mal partout, en fait. Pas mal, hein? Ça fait longtemps qu'on les joue ici, assez fou, mais plus récemment, ça joue pas mal partout, même ailleurs qu'au Québec. Là. Ils deviennent vraiment, vraiment très populaires. Et ils vont être à Trois-Rivières mardi prochain, donc à 23h, parmi les choix déchirants à faire là, de New Cities au Nord-Ouest Café. Et quand on parle de mardi, on parle de celui qui s'en vient après l'émission du vendredi et pas ceux qui écoutent la rediffusion du jeudi. Je le précise pour ceux qui écoutent la rediffusion. Le 30 juin. 30 juin. On va les entendre avec la pièce qui pas mal les a lancés sur nos ondes. En tout cas, moi, je me rappelle que c'était un méchant canon dans le temps. Voici Run, Baby. Ben oui, ça fait longtemps en plus que ça joue assez fou. Ça. Oh, succès souvenir. Hein? Oh, ben. Vous êtes dans les panneaux assez fous. Au 89.1 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Restez là, on retourne notre bloc festival continue avec Madcap, c'est The Devil's Hot Rod. Les panneaux assez fous sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. We'll be right back. The Devil's Hot Rod et une pièce de leur album Let the Boogie Kick Him Out of Hell. La pièce qu'on a entendue s'appelait Hot Rod Boogie. C'est une pièce instrumentale de leur album, donc je chante pas là-dessus. C'est peut-être pas super représentatif d'eux, mais quand même, j'adore ça, moi, ce style-là. C'est très bon, ça. Oui, ça a été quand même assez longtemps dans les palmarès, hein, c'est ça, c'est ce que tu dis. Ouais, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Ouais. Avant Devil's Hot Rod, on a entendu Madcaps avec Surrender, leur album Kiss the Lion. Et on a débuté ça avec The New Cities et Run Baby Run, un autre vétéran des palmarès. Madcaps aussi, dans le fond, c'est un bloc rétro des palmarès, mais on les a passés parce qu'ils sont tous au Festivois. Oui, exactement. Exactement. Tu voulais aller avoir les dates? T'as des dates. Ouais, c'est ça que tu voulais avoir. Ben, dans le cas de New Cities, non, on n'est pas, on est plutôt avec Madcaps. C'est jeudi le 2 juillet. Donc, ça, c'est du côté du Nord-Ouest Café, toujours à 23h. Et pour... tu me répètes les groupes? Il y avait autre que New Cities, Madcaps et Devil's Hot Rod. OK, ouais. Donc, The New Cities, c'est mardi le 30 juin. Et The Devil's Hot Rod. On s'en parle tantôt. Ouais, en tout cas. Bref, on va parler aussi de d'autres spectacles qui se passent au festival. Il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de groupes, il y a plein d'affaires underground, plein d'affaires qu'on veut aller voir. Si on regarde rapidement, là, comme ça, je sais que ce soir, il y a Mes Aïeux. On les aime quand même, on les joue beaucoup, même s'ils jouent ailleurs. Ce soir, c'est pas mal le seul spectacle qui n'est pas annulé, finalement. Oui, c'est ça, parce que les spectacles étaient annulés à cause de la météo, mais pas celui de Mes Aïeux. Non, absolument pas. C'est sur la scène Molson. En première partie, demain, samedi, le 27, il y a les Maléchés, qu'on aime beaucoup. Assez fou, on les fait jouer souvent. Qui vont jouer en première partie de Creedence Clearwater Revival. Les Devil's Hot Rod, c'est demain aussi, le 27 juin, en passant. Là, j'avais pas la date tantôt, mais c'est demain à l'Embuscade. D'accord, cool. Ariane Moffat et mercredi 1er juillet à la Fête du Canada. Spectacle gratuit pour tout le monde, puisque c'est la Fête du Canada. Steve est invité, mais bon, avec la pointe Nanette Workman avec ça, mais quand même. Ça, c'est le 2 juillet. Est-ce que t'as préparé un bloc Nanette Workman et avec la pointe? Ça rentre pas dans notre temps, malheureusement, aujourd'hui. Ah, c'est triste. Pépé et son orchestre. Et le vendredi 3 juillet, ça c'est génial, Pépé et son orchestre. Ben oui, puis c'est avec Malajub et les Vulgaires Machins en plus, ça va être magique. Exactement, tout ça c'est le vendredi 3 mai, c'est vendredi prochain, on va sûrement le mentionner d'ici là encore une fois. Notre ami Cindy Bédard qui travaillait avec moi aux Zones Campus et que j'apprécie bien, qui est étudiante à l'université ou l'était, c'est le samedi 27, donc c'est demain ça aussi. UQTR en spectacle, la gagnante Amélie Gagnon va être là dimanche le 28. Cégep en spectacle, ça c'est le lundi 29. Et secondaire en spectacle, le mardi 30. Ça fait quand même pas mal de monde de la relève, comme on pourrait dire. Ingrid Saint-Pierre, tu connais une autre étudiante de l'UQTR ou je la connais pas. Ça c'est le vendredi 3 juillet. J'essaie de prendre des affaires qui sont un petit peu plus proches de nous autres, là, mais j'en trouve malheureusement pas tant que ça. Mal classé, pas vraiment par date. Mister Valère, on disait que c'est le mardi 30. Ouais. On a dit ça. Devil's Hot Rod, samedi 27. Il y a JMC Project, qui est du jazz aussi, qui va être du Festivois. Ça, c'est le vendredi prochain, le 3. Dans un style un petit peu plus pop ou hip-hop même, je dirais, il y a Kodiak, vendredi le 3 juillet, à l'Embuscade. OK. Cool. Wow. Andréane Beaudoin, fille que je connais. Vendredi 3 juillet. Je connais donc bien du monde. Bref, pourquoi ne pas la mentionner? Et puis, ben, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on. Ben, Antoine Corriveau, on ne l'a pas mentionné non plus. Hein. Mais Antoine Corriveau, ben oui, crème, faut en parler. Je vais en faire jouer une pièce dans l'émission tout à l'heure, dans la dernière porte à gauche. Parle-moi de ça! Hey, c'est bon, Antoine Corriveau. Bon, ben, on a fait le tour pas mal de ce qu'on apprécie du Festivois. Si on oublie quelque chose, ben, crème, t'sais. On les aime pareil, hein? Ben oui. Ima, moi, Lover, tu sais. Lover to that. Donc, c'est là-dessus qu'on va fermer la parenthèse Festivois. Absolument, on va passer à autre chose complètement. Oui. Pour aller entendre quelques nouveautés qu'on a reçues cette semaine, assez fou. Oui, on a continué à faire le défrichage des nouveautés de C'est fou. Et puis, toi, t'as écouté le nouvel album de Dears, c'est bien ça? Oui, il s'appelle Missiles. Ce que j'ai trouvé à la première écoute, OK? J'ai trouvé l'album extrêmement relax. Par moments, un petit peu déprimant. Tu sais, je me disais, est-ce que je veux vraiment continuer? Mais là, je suis tombé sur quelques pièces que j'ai vraiment aimées. Et puis, je suis sûr qu'à la deuxième écoute, je vais pas en plus apprécier le reste de l'album aussi. Je vais faire entendre une de ces pièces-là qui m'ont accroché, pour commencer. On va y aller avec leur pièce Demons. C'est la 7e de l'album des Dears Missiles. Et puis tantôt, ben, on écoutera d'autres affaires que Kiwan a amené. Ouais, moi aussi, j'ai écouté quelques nouveaux trucs cette semaine. On en parle tantôt. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Mm-hmm.

dying to know how much you care. I can hear it in the distance under my heartbeat. I feel the rumble getting closer on the soles of my feet. And I'm dying to know how much you care. Knocking over pillar after pillar of salt. La formation de Dears avec leur album Missiles et la pièce Crisis 1 and 2 précédée de Demons. Ce sont les 6e et 7e pièces de leur album tout nouveau Missiles de Dears. Formation montréalaise, myspace.com/thedears. C'est très très bon ça. Excepté que c'est très relax. Faut vraiment aimer le genre relax. Hein. Ouais, c'est sûr que The Dears ont toujours été quand même. On fait toujours un genre de indie pop assez. Mollo. Planant, mollo. Mais cet album-là l'est particulièrement, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Les deux pièces que j'ai fait jouer là, c'est pas mal, selon moi, à ma première écoute, pas mal les plus bougeantes. Fait que ça vous dit pas mal de reste. Ça donne une idée pour le reste. Le reste est un petit peu, selon moi, linéaire dans le style musical. Mais quand t'apprécies, c'est le fun. Puis ça s'écoute bien en fond, je trouve. The Dears. Ils vont être en spectacle le 4 juillet au Montreal House de Peterborough en Ontario. Imaginez ça, il y a un Montreal House à Peterborough en Ontario. Mais ils vont venir à Montréal au Club Soda le 6 juillet à 20h. Voilà pour The Dears et leur album Missiles. C'est au tour à qui, Warren? Oui, moi, parmi tous les albums que j'ai écoutés cette semaine dans les nouveautés, il y en a deux qui ont retenu mon attention, mais je vais t'avouer que j'ai pas eu de grand coup de cœur cette semaine. Il y a pas vraiment, comme la semaine passée, j'avais beaucoup, beaucoup aimé Jordan Clason, que j'ai en fait plus écouté que tous les albums que j'ai découverts cette semaine. Mais il y en a quand même deux qui ont retenu un petit peu plus mon attention que les autres. Il y a le Bidini Band, on va en entendre, puis je vais en reparler un petit peu plus tard, mais pour l'instant, je veux parler de Amazing Baby. C'est un groupe indie rock qui fait quand même un son rock assez classique, assez conventionnel. C'est un groupe qui vient de New York, Amazing Baby, et puis qui ont quand même pas mal de succès. Moi, j'avais jamais entendu ça ici, puis je pense que toi non, non plus. Non plus. Mais quand même pas mal de succès aux États-Unis. Ils font une tournée présentement sur la côte ouest américaine, puis après ça, ils s'en vont en Europe pour une grosse tournée en Europe. Donc, il y a quand même pas mal de succès à travers le monde, mais ici, on les connaît pas trop. Et puis, ça, comme je te disais, c'est un son quand même assez conventionnel. Ça fait penser un peu à The Stills, des fois un peu Interpol, et parfois même des fois dans un autre style un peu. Des fois j'avais l'impression d'entendre un peu du New Pornographer. Ah, oh, j'adore ça. Groupe canadien, ouais. Mm-hmm. Donc c'est ça, c'est dans ce style-là un peu. Ça révolutionne absolument rien, mais ça s'écoute très bien. C'est ça la grande qualité de cette musique-là, c'est que c'est vraiment très accessible, c'est facile à écouter, on se casse vraiment pas la tête. Donc on va en écouter un extrait de cet album-là qui s'appelle Rewild. On va écouter la pièce Smoke Brothers. Tu m'intrigues, Kiwan, en parlant de ça, toi. Je veux l'entendre. Ah, regardons ça, ça joue. Et voilà. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Avec Kiwan et Mathieu. Starving cannibals, S-M-O-K, animals, okay. La pièce Smoke Brothers qu'on vient d'entendre du groupe Amazing Baby. Ah oui, leur album s'appelle Rewild. Voilà, et puis juste avant que l'on termine l'émission, je vous avais parlé tantôt qu'on voulait entendre un autre groupe que j'avais découvert cette semaine, qui s'appelle The Bellini Band, donc j'en parle vraiment rapidement. C'est le groupe d'un gars qui s'appelle Dave Bellini. C'est un groupe qui vient de Toronto, en Ontario. Un groupe qui fait des chansons pas trop sérieuses avec des paroles un peu drôles, mais quand même qui se prennent, c'est un peu sarcastique. En fait, ils se prennent comme un peu faussement au sérieux. Des fois, le contenu me faisait un peu penser à Blood and Gang, mais en vraiment très moins vulgaire. Là. C'est pas aussi vulgaire que Blood and Gang. Mais infantile un peu, quand même. Ouais, c'est ça. Puis la voix aussi du chanteur, tu vois, ressemble un peu à celle de Jimmy Pop Alley de Blood and Gang. Mais sinon, le style musical est complètement différent. C'est vraiment un rock assez traditionnel, je dirais. Et puis ça, c'est un groupe canadien qui sont en spectacle un peu partout en Ontario pendant tout l'été, dont entre autres au Hillside Festival. Tu te souviens que je t'ai déjà parlé oui. de ce festival magique avec une programmation absolument hallucinante. Mm-hmm. J'ai regardé hier pour m'acheter des billets. Il y en a plus, c'est sold out. C'est impossible d'aller voir le Hillside Festival, donc dommage. Donc on l'écoute finalement pour terminer l'émission, la pièce Terrorize Me Now du Bellini Band. On va écouter ça dans quelques secondes après, à peine, mais avant ça, je dois vous mentionner que Kiwan suit avec La Dernière Porte à Gauche le vendredi soir. Oui. Oui, et c'est un rappel les mercredis à 17h. Moi, je vous retrouve à CNX, émission un peu geek de la radio, c'est les jeudis matin. Et puis sinon, ben passez une très belle semaine. Kiwan, bonne émission. Ben merci. Des artistes qui s'en viennent juste rapide. Ben, nouveauté de Kick P Snare. Puis aussi une autre nouveauté que j'ai découvert cette semaine, Vitor Hublot. Bon ben c'est ce qui s'en vient. Alors bonne semaine et bonne fin de semaine et bon mois. Bye. Bye bye. Bye Kiwan. Bye. Les fous ont été présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. We're fat as pigs and we're ready for the roast. Terrorize me now. In shopping malls, look at as honey on toast. Terrorize me now. We're burning all our video. We're hot on digital radio. Terrorize me now. We're drunk on beer, bad sex, and massive corporate fear. Terrorize me now. They're gonna do it, yeah. They're gonna kick out the owl. They're gonna prove it. They're gonna kick out the owl. Yeah. We're in a movie, more blood than beauty. We're played by Malcolm McDowell. They're gonna do it, yeah. They're gonna kick out the owl. In Daddy's car, we're gonna party on Mars. We've invented shit that hasn't even hit the planet yet. Terrorize me now. We've burnt all our Britneys. Add sauce to the sesame. Sesame, terrorize me now. We're drunk on beer, mad sex, and massive corporate fear. Terrorize me now. They're gonna do it, yeah. They're gonna kick out the owl. They're gonna prove it. They're gonna kick out the